t'imposer de toutes les manières. Les dés sont pipés. Elles aiment être choisies du moment qu'elles décident, du lieu et de l'instant précis où à leurs pieds tu glisses. Ça a l'air ridicule, faut se rendre à l'évidence. Elles nous manipulent depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Mais j'y crois pas. Pourtant faut bien que je vis. Même à les risques et périls. Même à les risques et périls. Surtout faut pas que tu les aimes ou t'es condamné d'office. Tu peux jouer les gros bras, Mathieu Panopli, Rambo, regarde Braise et tralala. Là t'as gagné le gros lot. Elle prend possession de toi, elle te fait une plafillette, bien à l'abri, bien dans tes bras. Elle tire tes ficelles, elle tire tes ficelles.